L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Salut Émilie. Bonjour. Alors ici, on est dans ton jardin, on dira pas où. On est dans une grande ville, on n'est pas loin d'une rocade, dans un milieu urbain, il y a des immeubles autour de nous. Et pourtant, toi, c'est là que tu as choisi de vivre. Et c'est là que tu as choisi de vivre avec un objectif, c'est être la plus autonome possible, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est produire. On a la chance d'avoir trouvé une maison avec du terrain autour. Un peu, mais pas énormément, et 1200 mètres carrés. Voilà, donc sur les 1200, on en met 400 potagers à peu près, potagers et vergers. Et voilà, c'était une pelouse quand on est arrivé au milieu de la cité. Et du coup, on s'y est installé petit à petit. Et on a planté autant des variétés comestibles que des plantes utiles pour les hommes, pour le jardin, des médicinales. Et on apprend au fur et à mesure à s'en servir, à les faire pousser, à les adapter au climat, à les transformer aussi quand il s'agit de fruits qu'on ne connaît pas. On ne connaissait pas le kaki avant et il se trouve qu'on a un plaque minier qui est magnifique. Et du coup, voilà, la première année où on est arrivé, je fais de la confiture de kaki. Toute une aventure quand même. Voilà, on a planté un cerisier, des noisetiers, des figuiers. Et du coup, on apprend à les entretenir, à les transformer, à les valoriser. Voilà. Et à voir que tout est utile. Même le chien dent, hein, c'est une médicinale, et le liseron aussi, alors que je ne pensais pas. C'est une horreur, hein, d'ailleurs, quand on veut être un tout petit peu productif quand même en termes de légumes. Mais ça a aussi son utilité. Le chien dent, on en fait des purins, mais on en fait aussi des infusions. Voilà. Alors toi, ton autonomie, ce n'est pas de l'autonomie pour l'autonomie. C'est une autonomie pour quoi ? Et c'est une autonomie pour être prête à ce qui peut se passer demain, que ça soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe liée à l'homme. C'est une préparation et une autonomie matérielle, mais aussi de connaissances et d'expérimentation. Donc on expérimente beaucoup, parce que moi j'ai grandi en milieu urbain et que il y a plein de choses que j'ai pas appris à faire avec mes grands-parents. Du coup, cette maison et ce moment, c'est l'occasion de se préparer, d'apprendre plein de choses, voilà, pour l'éventualité... Pour une éventualité. Alors cette éventualité, pour toi, il n'y en a pas une. C'est le risque d'effondrement de notre civilisation pour une raison X ou Y. Il y a plein de possibilités qui peuvent amener à un état des choses où il faudra être autonome et se prendre en charge et être prêt et savoir faire en fait plein de choses qu'on délègue actuellement ou dont on ne se préoccupe pas parce que c'est acquis. Et moi, ça m'intéresse de questionner tout ça, du truc tout bête, hein, mais si demain on a un problème sur le système d'épuration des eaux d'une ville, d'une grande ville, c'est une énorme catastrophe. On le voit dans d'autres grandes villes, dès qu'il y a un problème sur la gestion des déchets, ça peut très très vite dégénérer. Donc ça commence par des choses comme ça, et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et du coup, les essayer, ah oui, mais ça, non, vraiment, c'est très violent. Je ne suis pas prête encore à me doucher à l'argile, par exemple. Plutôt que d'utiliser de l'eau, les toilettes sèches, ce genre de choses. Et donc, on commence à les utiliser aussi au quotidien pour pouvoir s'y habituer et puis parce que c'est en place pour l'avenir. Ah bah, notre société, c'est un petit peu un colosse au pied d'argile. C'est à la fois la société où on a tout à portée de main, mais il suffit d'un petit grain dans l'engrenage, on va dire, et chose toute bête, hein, il suffit qu'on ait plus d'approvisionnement en pétrole et c'est Beyrouth, comme tu as dit tout à l'heure. C'est Beyrouth, enfin, on l'a déjà vécu en fait. Il y a eu une période là où les chantiers des routes se sont arrêtés parce que le pétrole était rationné et du coup on ne pouvait pas faire de voies, de chaussées, etc. Donc on ne se rend pas compte. Ça, les routes, c'est rien. Acheminer la nourriture, ça n'est une autre. Et voilà, acheminer la nourriture, donc un des gros pôles de mon autonomie, de ma préparation, c'est quand même l'alimentation et la transformation et la conservation. sans l'électricité. Parce que c'est pareil, on l'a vu là encore cet été, avec les fortes chaleurs, on a eu une baisse de la production sur les centrales et aussi une baisse du coup sur le réseau. Et si ça s'arrête, comment on fait ? Donc du coup, l'idée, c'est de commencer à préparer ça et à savoir faire, voilà, et à être un peu équipé quand on arrive à avoir quelques sous de côté. Alors c'est quoi l'équipement de base, on va dire ? Pour quelqu'un comme toi qui a une maison avec un petit jardin, bon, c'est de virer la pelouse et d'en faire un potager. Voilà, un potager. Et puis après, on a la chance aussi d'être super bien orienté. Donc à terme, on aimerait acheter des panneaux solaires. On a un groupe électrogène aussi. On se chauffe en partie au bois et ça, quand même, mine de rien. Du coup, on peut limiter aussi le gaz. Après, c'est apprendre à produire en compost. Donc, mais on pourrait méthaniser. Donc on pourrait être autonome aussi en gaz. Et donc avec ça, on peut faire de l'eau chaude, de l'électricité aussi, en fait. Conserver du coup aussi différemment, maintenir en fait une vie, un tant soit peu confortable aussi quand même, sur du plus long terme. Alors si ça arrive, s'il y a un effondrement assez soudain, une crise suffisamment forte qui bouleverse notre fonctionnement quotidien, d'après toi, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça va être la foire d'empoigne un peu. Il y a ceux qui vont être pris en charge par l'État, hein, qui ne sont pas du tout prêts, et c'est déjà le cas quand on le voit sur les inondations, les gens qui sont évacués, qui rejoignent des centres de secours ou des gymnases, etc. Et puis il y a ceux qui vont s'attacher à leurs biens matériels ou à leurs petites possessions, qui vont vouloir les défendre. Il y a ceux qui n'ont pas de stock et n'ont pas de savoir non plus, du coup, qui vont aller piller. On l'a déjà vu aussi. Et donc tout ça, ça va être mis bout à bout et ça va vite devenir à saturation. Et puis on est quand même vachement dorloté. On a l'eau courante, on a l'électricité en appuyant sur des boutons et on est complètement déconnecté de la façon dont c'est fait. Et du coup, les gens ne seront pas en capacité de réagir et de rebondir face à ça. Donc c'est le pillage qui semble le plus gros danger par rapport à ton système, parce que finalement tu prépares toi ton autonomie au milieu d'une zone fortement très dense en peuplement, donc le risque c'est quand même qu'on vienne chercher chez toi. Après, je compte sur l'évacuation de ces personnes-là autour, puisque je ne pense pas que ça soit qu'elles se soient posées des questions sur l'autonomie, sur la préparation. Donc j'espère qu'ils seront évacués et qu'ils suivront les consignes d'évacuation, ce que je ne compte pas forcément faire, je l'avoue, sauf si l'état de la structure qui m'abrite est menacé. Dans ces cas-là, je passe au plan B. Il y a plusieurs plans. Mais on reste sur le plan A. Si des gens viennent chez toi pour te prendre tes réserves, qu'est-ce que tu fais ? Je veux bien partager un peu, mais sinon je serais prête à les défendre. Donc effectivement, l'éventualité d'une fortification, on regarde les plans de fortification, Moyen-Âge, dans plusieurs civilisations, les principes de base, et puis après la culture en intérieur où ça ne se voit pas, donc à la fois du stock et de la production. Alors le stock, souvent on le voit dans ce qui est... On y arrive, hein, c'est un peu du survivalisme. Donc c'est beaucoup de produits déshydratés, c'est des gros stocks de produits déshydratés. C'est des choses que tu mets en place, toi ? Alors, pas du tout. Moi, je suis déjà plutôt sur le fer. Et du coup, je vais acheter plutôt des choses que je ne fais pas actuellement pousser, donc des céréales, des choses transformées aussi qui sont difficiles à faire. La farine, c'est quand même... je n'ai pas une surface suffisante pour faire pousser du blé. Et puis, c'est quand même compliqué de le moudre, de le stocker. Même des petits silos, il faut quand même les ventiler parce que ça peut macérer en fait et produire un gaz et ça peut être explosif. Donc c'est pas simple. Donc du coup, je prends un peu chaque élément de mon quotidien aussi et je questionne en fait est-ce que c'est viable ou pas. Donc les aliments lyophilisés, ça a un coût à l'achat, je sais pas réellement ce qu'il y a. Par contre, je vais m'intéresser plutôt à comment je peux faire moi mes choses lyophilisées. Après, le lyophilisé, si t'as pas d'eau et si t'as pas une eau ou un moyen de chauffer l'eau pour être sûr qu'elle est bonne, tu mangeras pas. Alors, s'il y a une catastrophe, quelque chose d'assez soudain, tu remplis ta baignoire d'eau potable ? Ça, c'est le grand débat parce que je rêve d'une baignoire. Ça, c'est le seul luxe que je m'accorderai. Et malheureusement, on n'a qu'une douche. Ah, donc, effectivement, une des premières consignes en cas de problème, c'est on a tout un stock de bidons d'eau et on ouvre tous les robinets et on remplit le maximum d'eau de la ville. Après, on a la chance d'avoir un puits aussi. Donc, du coup, on s'est plutôt expérimenté sur les technique de filtration. Après, le débat sur les pastilles sont en cours, parce que ça prend peu de place, ça tient quand même relativement sur le long terme. Voilà, mais après, la Javel, au final, c'est pas très écolo, mais ça fonctionne aussi bien, quoi. Après, faut bien la doser. Mais l'avantage, c'est que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est quelque chose qui va avoir plusieurs utilités. Donc je choisis aussi de stocker des choses qui sont multiples. La Javel, ça peut me servir à désinfecter l'eau, mais ça peut me servir aussi comme désinfectant cutané. Si je me blesse et que j'ai plus d'alcool ou que j'ai choisi d'utiliser l'alcool pour une priorité autre, j'ai cette solution-là. On va faire une petite pause musicale. T'as envie d'écouter quoi ? En ce moment, j'ai envie de douceur, Alani. Rien à voir avec la survie, mais c'est voilà, c'est tout doux. Flowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's alright. Come to me, stay with me, say you'll be a friend to me. Donc là, la cour. Voilà. Et là, on arrive donc dans ta cave. Dans l'atelier. L'atelier. C'est l'atelier de mon compagnon, donc il travaille plutôt le bois. Et du coup, voilà, y a du matériel de fabrication et c'est un espace potentiel où on rentrerait une partie du jardin et une partie du poulailler. C'est aussi un espace où moi j'ai une pièce de stockage et de séchage. On va voir donc ça. Je t'y amène. Ah oui, alors là, on passe devant les bouteilles qui devront être remplies d'eau. En urgence. Voilà. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le placard de séchage pour sécher en fait assez rapidement les herbes et qu'elles gardent toute leur couleur. Et leurs propriétés. Et leurs propriétés, voilà. Donc ça, c'est électrique, mais l'objectif est d'avoir des panneaux solaires pour, voilà, pour produire un minimum d'électricité pour les choses essentielles. Voilà, exactement. Après, et puis vous avez un groupe électrogène. On a un groupe électrogène, voilà. Mais après, il faut définir effectivement les priorités. Et donc, on a aussi une partie du stock. Donc là, tu as fait des... Bon, y a un peu d'alcool quand même, hein, un peu de vin. Y a un peu de vin, de l'huile, du bicarbonate de sodium. Pourquoi c'est si important le bicarbonate de sodium? Ça fait tout. Ouais. Ça, c'est un produit. Alors là, pour la peine, c'est un produit qu'on ne peut pas faire. Ouais. Et du coup, dès que je peux, j'en achète et je stocke parce que tu t'en sers aussi bien en hygiène, en alimentation, en soins, en nettoyage, en conservation. Ça sert vraiment à tout, quoi. On va dire que beaucoup de Français qui vivent à la campagne ont des réserves de nourriture beaucoup plus impressionnantes que la tienne. Voilà. Après, c'est dans la cuisine aussi, ouais. Parce que pour la gestion des stocks, c'est plus facile pour moi. Ouais. Après, j'ai choisi de ne pas stocker en grosse quantité, parce qu'en termes de gestion, c'est quand même compliqué. Mais si demain, il se passe un truc... Et voilà, c'est le risque. D'accord. C'est le risque. Après, j'ai choisi, voilà, j'ai 5 kilos de riz, j'ai 5-6 kilos de farine. Après, je sais aussi comment moi, je cuisine, donc j'ai peu de beurre, par exemple. J'en ai une ou deux plaquettes au congélateur. D'ailleurs, le congélateur, c'est plutôt le compromis que je suis prête à faire. Je ne ferai pas la croix sur un congélateur, je sacrifierai plutôt le frigo. D'accord. Voilà. Et après, ben, toutes les légumineuses, donc 1 kg par légumineuse au moins. Donc lentilles, haricots rouges, blancs, des noix aussi beaucoup. Enfin voilà, des choses qui se conservent sur le long terme, de l'huile parce que c'est difficile à produire. Voilà. Alors c'est tout le stock ici, d'accord, ok. Là il y a une partie du stock de bocaux, parce que c'est pareil, le verre à fabriquer c'est quand même très compliqué, on n'est pas équipé, et c'est quand même un des meilleurs contenants qui soit, et c'est, on peut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après il y a une partie plus cachée, où on est sur du matériel un peu de camping, mais qui sert à la survie, les sacs de couchage, voilà. Un petit coffre, mine de rien. C'est un vrai coffre, non? Non. Mais c'est transformé. D'accord. Il y a une partie de la grainothèque, en fait. D'accord. Donc, ce sont tes réserves de graines. Voilà, nos réserves de graines et puis des bijoux, des choses comme ça qui peuvent s'échanger en cas de souci et en cas de non-distribution de billets. Moi, perso, j'ai du mal à voir. Il paraît, dans les débats, il y a qu'il faudrait avoir une certaine somme d'argent toujours en liquide sur soi. Perso, j'ai du mal, mais par contre, voilà, on a des bijoux qu'on a mis en sécurité qui peuvent s'échanger. Ok. Et là, nous montons à la partie habitable. Ah bah, c'est une maison tout à fait normale chez toi. Voilà, ça se voit pas de l'extérieur. Après, là où on peut... Ah, si, tu as une arbalète. J'ai une arbalète, voilà, mon cadeau de Noël avec une hache, voilà. Ça, c'est pour la défense. Voilà, moi, je me sens pas de me servir d'une arme à feu, je suis pas pour... Je ne sais pas m'en servir. Je suis plutôt non-violente hein, comme fille quand même. Je prends de la non-violence. Mais voilà, pour me défendre à bonne distance, j'ai vu l'arbalète. Après, j'ai pris aussi des cours de self-défense, de combat à main nue, mais aussi de combat avec des bâtons, des sabres, des choses comme ça. Où je reste quand même dans le respect de l'adversaire, entre guillemets. Et pas dans la survie à tout prix. Je veux aussi quand même maintenir certaines valeurs qui me tiennent à cœur, même en mode survie, quoi. Je suis tombée sur des sites où ils disent de... Enfin, alors après, c'est propre aux États-Unis. Nous, en France, on n'a pas la loi martiale, mais si la loi martiale était mise en place, ils pourraient réquisitionner les stocks de nourriture. Et donc, ils préconisent de cacher ou de laisser une petite partie à apporter. Et voilà, mais c'est pourquoi qu'ils les réquisitionnent ? C'est pour les partager, en fait, derrière. Donc, du coup, moi, je veux bien partager un peu, pourquoi pas. Peut-être avec des personnes que j'ai choisies aussi. Parce que tu as prévu ici d'accueillir 10 personnes en cas de problème. Voilà, à plusieurs, on est quand même plus fort. La survie, c'est quand même énormément de travail. Mine de rien, s'il faut pallier à tout ce qui est automatique, entre guillemets, ça fait énormément de boulot. Puis parce qu'on a des gens autour de nous qui nous tiennent à cœur, qui nous sont importants et qu'il ne faut pas les oublier, quoi. C'est pas un truc d'égoïste. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta cuisine ? Alors, dans ma cuisine, il y a tout un tas de matériel pour la transformation alimentaire et pour la conservation. Des cocottes, des faitous, des extracteurs à jus aussi, à la vapeur. Donc, des choses qui marchent plutôt pour la peine sans électricité, mais plutôt au gaz ou au bois. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise le congélateur. C'est-à-dire qu'on va faire la conserverie plutôt l'hiver avec cuisson au feu de bois, comme ça on n'utilise pas le gaz, on ne rajoute pas de la chaleur quand il fait 35 degrés dans la maison et on optimise en fait les dépenses quoi, d'énergie. Je vois ton sac à main qui est posé là. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à main ? J'ai plein de choses dans mon sac à main. Donc tu as un sac à main de survie ? Voilà. Vraiment ? J'ai un sac à main qui est calculé pour une survie minimum au quotidien. Alors les Anglais, enfin ou les Américains, ils appellent ça un EDC, Everyday Carry Bag, je crois. Mais voilà, tous les jours, je me trimballe avec un bandana. Donc le bandana, on peut s'en servir comme masque à poussière, comme point de compresse, comme garrot, comme filtre à eau, comme récupérateur d'eau, comme sac de transport pour réparer quelque chose. Voilà. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est un objet plein d'usages possibles. Une couverture de survie. On peut s'en servir pour faire une tente, un abri provisoire. Pour avoir chaud. Avoir chaud. Après, on va avoir une partie un peu plus bricolage, on va dire, hein, avec tout ce qui est feu. Donc, briquet, allumette, le fire steel, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, donc c'est le briquet silex, on va dire. Et puis, des trombones, du fil de couture, une aiguille, du scratch et du scotch renforcé, un ballon, voilà. Après, ça, c'est beaucoup plus essentiel et il ne devrait pas être dans mon sac à main, en fait. Il devrait être à portée de main tout le temps. Mm-hmm. C'est un sifflet. Donc ça, c'est plus de la protection personnelle, on va dire, parce qu'on a une vie quotidienne et que dans n'importe quelle situation où on puisse se trouver, le sifflet, plutôt que de crier à l'aide, où on n'en est pas forcément d'ailleurs capable, mais on peut plus facilement siffler et du coup être repéré. Après, il y a un Rescue Me, c'est à la fois un brise-glace de voiture et un coupe-ceinture. Donc ça, il devrait plutôt être pareil, hein, à portée de main dans une voiture. Et puis alors ça, c'est aussi un cadeau. C'est presque une arme de défense, hein, vu le poids. C'est un vrai couteau suisse. Un truc, voilà, un truc de tatou dedans. Une scie, un couteau, des pinces. Après, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir le pôle santé, on va dire. Donc, une petite boîte avec les cachets essentiels, donc l'iodure de potassium pour la radioactivité, les anti-maux de tête. Et éventuellement, normalement, il faudrait un antidiarrhétique que je n'ai plus parce qu'il était périmé. C'est vraiment... voilà. Vas-y. Et après, l'équivalent, mais en plus naturel, en huile essentielle. J'en ai pas 10 000. J'ai trois essentiels, en fait, qui sont 4x4, passe-partout, tout-terrain. Une lavande, un titri, et sinon un eucalyptus citronné. Donc voilà. Et puis un peu d'arnica en granules. Voilà. Un morceau de savon, une dose de sérum Phi. Et du super scotch d'infirmière. Alors tu as aussi ton petit carnet de survie avec, c'est une bible avec tout ce que tu, tout comment faire quand il arrive une merde, quelle que soit la merde, tu as la solution quoi. Alors je couvre pas tout, mais les infos qui me paraissent pertinentes, le fruit de mes recherches et de mes réflexions, des films que j'ai vus qui m'ont inspiré, qui sont à revoir, donc je sais plus, mais il y a des choses comme faire de la colle, tu vois, comment gérer une hypothermie ou un coup de soleil. Mais il y a aussi, tu vois, comment neutraliser un vaccin, par exemple. Parce qu'à un moment donné, en cas de problème bactériologique, par exemple, on peut être amené ou encouragé ou fortement encouragé à être vacciné et on n'a pas forcément envie de l'être ou on ne fait pas assez confiance. Donc, comment neutraliser un vaccin ou fabriquer de la pénicilline. Ouais, ok. Voilà. Alors là, on est dans ta chambre. Voilà, où il y a normalement l'arbalète à côté du lit, pas très loin. Okay. Donc dessous, normalement, j'ai toujours une paire de chaussures fermées sous le lit, dans la table de nuit, lampe torche, ou aussi une bougie et un briquet, voilà. Et alors après, tu as aussi une caisse. J'ai aussi une caisse avec du matériel un peu plus en grosse quantité et un peu plus spécifique. Donc on va avoir les réserves d'iodure de potassium donc pour la dizaine de personnes sur 2-3 jours. Du sucre un peu, à portée de main aussi quand même, mine de rien. Après tout un tas de matériel de bricolage, tu vois, des scies. C'est un peu le stock en fait pour faire les kits de survie pour les gens autour de moi. D'accord. Voilà. Et puis des choses plus spécifiques qui vont être dédiées à la survie, par exemple des sacs poubelles. Si les vêtements sont contaminés. Voilà, pour la décontamination. Donc là, je suis en train de réfléchir à mettre en place la zone de décontamination et donc à portée de main avec ce matériel-là. Donc il y a des gants. Il y a aussi la radio à dynamo. et la lampe torche à dynamo. Mmh. Voilà, parce que justement, peut-être pour pas, je serais pas en capacité de brancher tout de suite le groupe électrogène, donc une petite radio pour rester informé, pour savoir ce qui se passe, continuer, voilà, et pouvoir ajuster la stratégie de survie aussi en fonction de l'évolution de la situation. Alors c'est quoi qui t'anime ? C'est une peur que tout s'effondre ? C'est une conviction ? C'est une envie ? C'est la curiosité d'abord, c'est se poser les questions, déconstruire, remettre en question, et puis que rien n'est une évidence, rien n'est acquis. Il y a quand même quasiment les trois quarts de la planète qui vivent en mode survie au quotidien, quoi. Donc est-ce qu'on peut faire autrement et tout ça. Et puis oui, il y a quelque part une envie qu'il se passe quelque chose et que le fonctionnement actuel change, quoi. Et qu'on ait la possibilité d'être autonome, mais sans que ça soit... actuellement, tu ne peux pas être autonome, en fait. À moins d'habiter au fin fond de la montagne, et de ne pas pouvoir être accordé au réseau électrique par EDF, tu ne peux pas produire ton électricité juste pour... Ça a changé, je crois. Alors, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de choses. L'eau, par exemple, l'utilisation de l'eau de pluie, elle est vachement encadrée, alors qu'on pourrait faire autrement. Et donc, je me prépare à ce moment-là pour changer dans le sens qui m'intéresse. Donc aussi, plus dans le sens proche de la nature, vivre à plus petite échelle... retrouver certaines formes de partage, de connaissances et de compétences. Je pense pas qu'à l'heure de la mondialisation, ça soit hyper... c'est pas exponentiel, quoi. La Terre, elle est pas exponentielle. Voilà. Après, oui, il y a comme une envie, en fait, que ça se passe, mais plus pour que ça change radicalement, c'est-à-dire qu'on arrête de tergiverser, et puis ben maintenant, il faut y aller, quoi. Et puis aussi que de passer de la théorie à la pratique. De quelle théorie à quelle pratique ? Du coup, si tu veux, c'est aussi se libérer de ces contraintes législatives. À ce moment-là, si tout part à volo, du coup, j'aurais pas de problème à aller pomper l'eau de mon puits pour alimenter la maison. J'aurais pas de souci à, installer des panneaux solaires ou mettre des ruches à 1,50 m des voisins, si j'en ai envie. Après, je respecte les autres, mais c'est aussi un peu plus de liberté. Après, ça sera beaucoup de travail, mais ça sera un autre rythme de vie aussi. C'est-à-dire que le travail, il sera pas... on séparera la valeur travail de la rémunération. Il n'y aura plus question de rémunération. Ça sera une question de survie, en fait. Si tu ne travailles pas bien, ça va être galère demain, quoi. Ou ça va être galère déjà aujourd'hui. Voilà, remettre le travail pour la vie et pour une forme de confort aussi. Parce que ce qui est terrible quand même avec la survie, notre système est très critiquable, mais il laisse sa place aux personnes handicapées, aux personnes vieilles, aux personnes infirmes. En mode survie... Oui, mais il laisse la place aussi, je dis pas, hein, à l'art en mode survie, c'est plus compliqué. Y a d'autres choses à créer. Après, justement, dans les 10 personnes que j'envisage d'accueillir, c'est des personnes de tout âge et de tout milieu. Et puis après... Ça, c'est le repli extrême. Il y a d'autres possibilités avant aussi. Ça ne va pas forcément s'écrouler du jour au lendemain non plus. Donc, j'envisage un peu toutes les possibilités, ça là étant l'extrême. Le but, c'est d'aller un peu plus vers d'autonomie, vers de conscience de ce qu'on fait, de conscience de ce qu'on consomme. D'apprentissage, ouais, aussi. Quand on essaye de faire de l'huile d'olive, on comprend certains prix d'huile d'olive, parce que c'est pas si facile que ça. Ou même les olives, les désamériser, c'est pas si facile que ça. Quand on fait, du coup, on réapprend la valeur des choses aussi, quoi. Et du travail des autres. Et du travail des autres. Et de la valeur, du coup, de l'autre et de vivre ensemble. Sur le vivre ensemble, il y a d'autant plus envie de partager ça. Et que, de faire, on se rende compte que... et donc, d'ailleurs, dans les valeurs, dans les métiers entre guillemets qui seraient valorisés après un effondrement, viennent en premier, je crois, le forgeron, en second, le menuisier, ne viennent quasi qu'en cinquième ou sixième position les médecins, etc. Et d'ailleurs, je crois que même en quatrième position, il y a les commerçants, le troc, tout ça, parce que sont en capacité de faire le lien entre expliquer le travail et la valeur des autres. Et une autre pièce à échanger, quoi. Un petit mot de la fin. Il faut s'entraîner aussi à gérer et à rationner sa faim. C'est un peu la décroissance aussi. Et on se rapproche de la décroissance, ouais. Voilà. Donc le message que tu as envie de passer aux auditeurs de L'Ours et la Carotte, c'est prenez votre destin en main et n'attendez pas que tout arrive tout seul. Voilà, soyez curieux, réfléchissez, informez-vous, préparez-vous. Merci Émilie. Merci. C'était L'Ours et la Carotte, écoutable sur Internet. Right.